Every time I hear you say my name, when the air is filled with summer rain, I can feel the love, I can feel the love, I can feel the love. Tout l'été, 17h-20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. Bienvenue, on est ensemble jusqu'à 20h. Je m'appelle David, c'est que du fun. Et il y a Kaufman qui est déjà en retard. Kaufman, t'es en retard, t'es à la boue, mon vieux. Qu'est-ce qui se passe? Je chatouillais le programmateur, il aime bien ça, il me chatouille. Allez, vous chatouillez ailleurs. Et donc, il y a Kaufman qui sera là pour m'accompagner. Ça va, Kaufman? Bah oui, comme d'habitude. En pleine forme avec le Fun Game? Oui. On va parler de quoi? On parlera du succès phénoménal des Pokémon qui ont dépassé maintenant Twitter. Carrément. En termes d'utilisation et surtout Tinder. Hein. Tu sais que je m'intéresse à l'application de rencontre et c'est plus populaire. Dans l'émission, il y a aussi Laurence. Comment ça va, Laurence? Ça va super bien. Le Fun Beauty, il y a quoi au programme? Les innovations absolument chopées cet été. Très bien. Donc, il y aura également le Saral Salove et on va commencer avec le love de Laurence. Et pourquoi le love? David Cameron. David Cameron, l'ancien Premier ministre l'ancien. Anglais. Et Kaufman va râler sur... Sur le système de soins américain, voilà, on va être un peu sérieux dans cette émission, ça va nous changer. Attention, ça ne rigole plus, Kaufman. Attention, moins. Mais il pleut, mais c'est quoi cette averse là sur Bruxelles? Bienvenue en Belgique. Il faut fermer la fenêtre, ça rentre sur les trucs. Hein, la météo, c'est dans 5 minutes. C'est vrai, parce que maintenant, c'est l'heure des infos. Fun Radio. Fun. Solde en électroménager chez Kitchen Market. Aspirateur, centrale vapeur, micro-ondes pour moins de 100€. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Il est 17h, les infos avec Carlo. Salut Carlo. Comme signalé, David Cameron est toujours Premier ministre aujourd'hui. Ah, il est toujours. C'est demain que Theresa May le remplace. Merci pour la précision. Bah oui, ça, je suis quand même pas journaliste pour rien. Ceci dit, l'actu n'est pas très rigolote aujourd'hui avec un grave accident de train en Italie ce matin dans les Pouilles, donc dans le talon de la botte, hein, pour ceux qui ne situent pas la région de Bari. Ce sont deux trains de voyageurs qui sont entrés en collision frontale. Le bilan est d'au moins 20 morts et plusieurs blessés d'après les autorités régionales. La collision s'est produite sur une portion à voie unique. De nombreux secouristes et des hélicoptères ont été envoyés sur place pour désincarcérer les victimes et soigner les blessés. On ne connaît pas les raisons de ce drame, mais il s'est produit à un endroit dépourvu de systèmes d'arrêt automatique qui aurait pu éventuellement suppléer toute erreur humaine. Avis aux procrastinateurs, donc à ceux qui repoussent toujours tout à la dernière minute, hein, ou en tout cas des trucs un petit peu chiants à faire. Vous avez jusqu'à demain soir pour remplir votre déclaration d'impôt via TaxonWeb. Et vous utilisez toujours la formule papier, là vous êtes déjà vachement à la bourre, hein, vu que vous aviez jusqu'à fin juin pour faire votre devoir. Le SPF Finance me demande de vous préciser gentiment que pour introduire les déclarations, il faut absolument cliquer sur « Confirmer pour envoi », puis sur « Soumettre », sans quoi ça ne fait pas. Et si vous vous rendez compte que vous avez déjà introduit votre déclaration, mais que vous vous êtes planté, là aussi vous avez jusqu'à demain soir pour corriger votre erreur. Steven Van de Put a beau être un nationaliste flamand, il n'en pense pas moins au bien-être de tous les fonctionnaires, y compris francophones, vu qu'il est le ministre fédéral de la fonction publique. Il faut savoir que les fonctionnaires fédéraux sont malades en moyenne un peu plus de 16 jours par an. Et dans un cas sur quatre, c'est dû au stress, un excès de fatigue ou un burn-out. Alors Monsieur Van de Put ne peut pas faire grand-chose contre la propagation du virus de la grippe. Par contre, face au burn-out, il y a moyen d'agir, hein, et c'est ainsi qu'à l'avenir, on va promouvoir le télétravail. Il faut alors installer des bureaux satellites près du domicile des fonctionnaires, histoire qu'ils stressent le moins possible sur les routes en tout cas. Il est également question d'organiser le temps de travail en fonction de ce qui arrange le mieux ces gens. Mais bon, tout ça, c'est pas pour tout de suite non plus. Il va falloir d'abord peaufiner ce plan dans les prochains mois et années en concertation avec les partenaires sociaux. En Israël, le Parlement vient d'approuver une loi qui oblige les ONG recevant la plus grande partie de leur financement de gouvernement étranger de le déclarer officiellement. pour le Premier ministre Netanyahou. Le but de cette loi est d'empêcher une situation absurde où des États étrangers se mêleraient des affaires intérieures d'Israël sans que le public israélien en soit conscient. Mais cette loi, tout le monde, loin de là, ne l'approuve pas. Pour ses détracteurs, on cible les groupes de gauche qui militent pour les droits des Palestiniens. Pour le chef de la liste arabe au Parlement israélien, il est question d'intimider et de faire disparaître les quelques organisations qui agissent pour l'égalité de traitement vis-à-vis des Arabes. Enfin, le chef de l'opposition israélienne va plus loin encore en affirmant que cette loi constitue, je cite, « les bourgeons du fascisme qui fleurit en Israël ». Fin de citation et puis fin de ce flash par la même occasion. Fun Radio. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur Volkswagen.be. Avant le Saral Salof, place à la météo, Carlo, il va pleuvoir. Hein. Alors ce à quoi vous venez d'assister il y a 3 minutes au sud de Bruxelles, c'est le début de l'orage que nous annonçait l'IRM déjà depuis hier et qui ne s'est donc pas trompé. Orage aujourd'hui, encore des orages demain, donc une semaine pourrie comme on a l'habitude depuis le début du printemps. Ouais, c'est vrai. Quand même déjà. Et puis ça finira bien par s'arranger peut-être en 2017. Prochain rendez-vous info dans une heure, je vous laisse en compagnie de David et du son de Justin Timberlake. Salut. Fun. Fun Radio. Les soldes XXL sur des centaines d'articles en électro et multimédia, profitez-en aussi sur Krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Fun Radio. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Tout l'été, 17h-20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. Yeah. So keep dancing. Le son dance floor continue avec Mom. Vos cadeaux arrivent dans quelques minutes avec le Saral Salove. C'est l'heure de râler, de lover maintenant. Et on va commencer par le love de Laurence. Oui, c'est quoi? Alors aujourd'hui, j'ai grave lové sur David Cameron parce que voilà, comme vous le savez, le Royaume-Uni quitte l'Europe et donc du coup, David Cameron quitte ses fonctions. Ouais. Et donc aujourd'hui, il a fait un petit speech pour annoncer officiellement ça aux citoyens. Et en quittant en fait les caméras, il s'est pas rendu compte que son micro était encore allumé. Et donc du coup, il a commencé à fredonner en fait. Ok, on a l'extrait, écoutez. Thank you very much. Right. Donc voilà, moi ça m'a fait grave lever parce qu'on aurait dit toi en fait quand tu fais la vaisselle t'es super content après tu fais tout bonne chose de faire. Ouais, c'est vrai, tout le monde fait ça. Lui, ça c'est fait. Lui, il prenait quand même un discours très important. Mais c'est ça en fait, c'est ça qui est super et drôle. Et là après il part, il fait ouais, c'est bon les gars, je suis viré. Voilà. Quoi, papa, je suis parti. C'est exactement ça, j'ai grave levé quoi. Maintenant le râle de Kaufman. Oui, on va parler du système de son américain puisque vous avez peut-être entendu parler de cette photo qui a fait le buzz sur internet. C'est une photo dans laquelle on voit, sur laquelle on voit un papa couché par terre à l'hôpital. La raison à cela, c'est que son bébé souffrait de crise d'asthme et avait dû être hospitalisé d'urgence. Alors ouais, la photo a fait le buzz, les journalistes américains se sont intéressés. Alors c'est une très jolie photo, évidemment, mais là où je commence à râler, c'est forcément que le système de son américain est tellement disproportionné et tellement pas égalitaire que forcément pour avoir une chambre avec son enfant là-bas, c'est quasi impossible. La famille s'appelle la famille Palmer et d'ailleurs il y a une espèce de comité de soutien qui s'est organisé autour de cette famille pour les aider à faire face aux problèmes avec leur bébé. Et moi je râle contre le système américain, hein, pas contre la famille évidemment. Ouais, le système américain qui est très mal fait en fait, faut avoir plus d'argent pour soigner. Exactement. Si t'as pas d'argent, tu peux pas te soigner, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est ça. Ah, je suis au courant quand même. Autrement dit, tu pourrais jamais aller chez le dentiste. C'est exactement ça. Allez, on a des cadeaux à vous faire gagner, des cadeaux Smart Toys, des jeux vidéo, etc., etc. On a plein de choses. Ça se passe juste après Mom sur Fun Radio. On est ensemble jusqu'à 20h. C'est que du fun. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've heard these grooves. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it home. Suddenly it's all real. Suddenly it's all you feel. You're free now. So the unknown. Something more. cet été. Pour faire la fête, c'est Fun Radio toute la journée. Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. Just a boy when he could come inside of my playpen, 'cause he looked like a superstar in the making. So I think that I'm going in for the taking. Into the grapevine that he caking. We could shoot a movie, he could do the taping. Boom, boom, boom, boom, pow, this thing be shaking. I ain't even try to find out who he dating. 'Cause I know he got a wife at home, but I need just one night alone. If I keep playing up with the games, I'ma run away. If you want it, I'm gonna be ba ba boom boom. If you got it, you got it, you got that boom boom. If you want it, I'm gonna be ba ba boom boom. If you got it, you got it, you got that boom boom. Just met a boy when he could become my little problem, 'cause he looked like he modeling clothes in Dublin. So I think that he getting that green, that goblin. Here through the grapevine that he hang low. We could shoot a movie, could bang like Rambo. Boom, boom, boom, pow, this thing so bingo. Wondering if he could understand my lingo. 'Cause I know he got a wife at home, but I need just a night alone. If I keep playing good old games, I'ma run away. Jack arrive sur Fun Radio. Et on aura un invité exceptionnel aujourd'hui, il s'appelle Henri PFR. Kaufmann, Laurence, vous êtes renseigné un petit peu sur Henri PFR? Bien sûr. C'est bon, on connaît bien au taquet, DJ et producteur belge, jeune DJ, il a 20 ans. Et pour ceux qui ne connaissent pas Henri PFR, et ben ça donne ça. Il sera avec nous dans quelques minutes. Là, c'est le moment de jouer dans le combien ça coûte. J'ai un prix et à vous de me donner au 3044 à quoi correspond ce prix pour gagner des cadeaux Smartoy, des jeux vidéo, des goodies, des packs fun. C'est ça, Kaufmann ? Oui, tout à fait. Hein. Vous envoyez votre proposition au 3044. Ouais. Nous, on vous dit si c'est bon ou voilà. Si c'est pas bon. Et puis, on avance. Hein. Nous, on va faire nos propositions. Écoutez bien ce qui va suivre. Et Kaufmann et Laurence vont poser des questions pour vous aider. Attention, ouais. Le prix du jour, 27 euros. À quoi correspond ce prix ? 27 euros. Des questions ? Oui, est-ce que c'est un objet du quotidien ? Oui, du quotidien. Est-ce que ça a une forme particulière ? Oui. Est-ce que c'est un objet professionnel ? Non. Est-ce que c'est utile pour hommes, femmes, enfants ? Les trois. Est-ce qu'on l'emporte avec soi ? Oui. Est-ce qu'on le prend avec nous, donc au travail on le prend, c'est ça ? Oui, on peut le prendre au travail aussi, oui. Est-ce que c'est un produit de divertissement ? Non. On peut pas dire ça, non du tout. Non. Allez-y au 3044 pour donner votre réponse. Ce n'est pas un ballon, comme on me dit au 3044. On me dit un portefeuille aussi au 3044. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce que c'est électronique ? Non, ce n'est pas électronique. Est-ce qu'on s'en sert en été ? ça dépend. En ce moment, oui. Bah, aujourd'hui, surtout. Ah ! Mais aujourd'hui, on s'en sert. T'en dis beaucoup, là. Oui, j'en dis beaucoup, c'est vrai. Je vais me taire. je dois pas trop dire.

Le son des floor continue avec Alessia Cara. Et invité exceptionnel dans ce qui est du fun, d'ici 20h, on va recevoir Henri PFR. Pour ceux qui ne connaissent pas Henri PFR, ça donne ça. Maintenant, place au Fun Beauty de Laurence. Toutes les nouveautés beauté dans le Fun Beauty avec Laurence. Et les innovations aujourd'hui, Laurence. Exactement, les innovations high-tech dans le monde de la beauté. Donc, on va commencer avec les filles, bien évidemment. Alors, il y a un tout nouveau fer à lisser qui vient de sortir. Donc, on connaît les fers à lisser avec la chaleur. On connaît avec ça brûle. J'ai déjà touché. On connaît aussi avec la vapeur, mais maintenant, c'est avec le froid. Le froid ? Ouais. Comment c'est possible, ça ? Bah, c'est possible. C'est David Roux, un néo-zélandais, qui vient de l'inventer. Donc, sa société, c'est Inverse. Et donc, ils viennent d'inventer justement le fer à lisser au froid. Donc, suffit en fait simplement de le mettre dans le congélateur pendant 2 heures. Ouais. Et après, ça s'utilise sur cheveux mouillés. Et donc, du coup, les cheveux, ils sont froids pendant une demi-heure. Mais après, ils reprennent leur température normale. Et c'est super agréable, doux et soyeux pour les cheveux. Donc, vraiment, c'est un truc, c'est vraiment terrible. Et c'est une grosse, grosse innovation. Ouais, mais quand il fait trop froid, ça brûle, je crois. Quand on se touche un truc très, très, très froid, ça brûle. Ça fait le même effet que la chaleur, en fait. C'est généralement, ça, quand on se touche, c'est chaud. Je ne sais pas avec qui tu le fais. Si tu le fais avec un pingouin, c'est froid. Enfin, tu vois, par exemple. Même quand tu le fais tout seul. Et la suite pour les hommes maintenant. Alors, Laurence. Pour les hommes, c'est un nouveau rasoir que Philips vient de sortir aussi. Ouais. Donc, en fait, c'est un rasoir avec lequel il est juste impossible de se couper. Donc, en fait, c'est un rasoir électrique, mais pour moi, c'est une sorte de rasoir hybride. Parce qu'en fait, il a. Donc, c'est un rasoir électrique, comme je te l'ai dit. Mais en fait, il a l'aspect d'un rasoir manuel. Donc, il est petit, compact et léger. Et en plus, il est super, super beau. Et niveau prise en main, en fait, il est aussi super agréable parce qu'en fait, les deux côtés sont en plastique de gomme. Donc, ça permet une prise en main très agréable et facile. Ouais. Et la technologie, en fait, de ce rasoir, c'est la tête du rasoir qui fait en fait 200 mouvements par seconde. Et en plus, il y a un système de double protection avec une lame unie d'un revêtement lisse avec des bords arrondis. Donc, vraiment impossible de se couper avec. Et en plus, le sabot, il est vraiment flexible et pivotant. Et donc, on peut vraiment se raser dans les deux sens et à sec. Et on le trouve où ? Et on le trouve dans tous les magasins. Et il est entre 29 et 79 euros. Et la marque, c'est Philips, c'est ça ? Ouais, c'est avec... le One Blade. Ok, très bien. Mais tu rases avec quoi ? C'est un rasoir pour femme ou pour homme ? Non, c'est pour homme. Ah, d'accord. Et tu rases avec quoi, toi, Kaufman ? Moi, avec des cailloux. Avec des cailloux ? C'est pour ça, c'est vrai. Mais je ne savais pas qu'on pouvait se couper avec un rasoir électrique. Non, moi, ça m'est jamais arrivé. Et moi non plus. Donc c'est pour ça, avec un rasoir manuel c'est normal, il y a des vraies lames. Mais le rasoir électrique ça tourne et normalement c'est impossible de se couper. Mais c'est un rasoir hybride, c'est entre l'électrique et entre le manuel en fait. D'accord, bah dites-nous au 3044 ce que vous utilisez pour vous raser, filles comme garçons, ça marche pour les deux cette fois-ci. Bah oui, il y a des filles qui ont la barbe. C'est vrai, c'est vrai, des fois il y a des filles barbantes. Oh, je te dis pas, j'en suis avec une moi. Allez, c'est ça. On se retrouve après Alessia et le Fun Game de Kaufman. Too proud. So if you don't like me, cause I'm an error, I might be. I was raised in the land of hyphy. The world look different as far as I see. I'm doing me, don't mind me. Only one time I'ma tell you kindly. Please fuck off, I don't need you by me. But if you search, you know where to find me. Don't wanna hang around the in crowd. The cool kids aren't cool to me. They're not cooler than we are. We brought our drum and this is how we dance. No mistaking, we make our breaks. If you don't like our 808s, leave us alone. Cause we don't need your policies. We have no apologies for being. Find me where the wild is. Oh my baby, alright. You're my jealousy. Find me where the wild is. The Shed Smokers, Don't Let Me Down sur Fun Radio. Celui-là, je l'ai massacré. Ouais, j'ai pas compris là. The Shed Smokers, excusez-moi. Déjà que tu dis pas le titre, t'arrives encore à te planter dans le groupe ou dans le chanteur. C'est ça. Bon, j'ai des cadeaux pour vous avec la plus grande tablette de Samsung, 18,4 pouces, la Samsung Galaxy View. Il suffit de nous écouter entre 17h et 20h et vous pouvez la gagner. C'est demain que je l'offre. Pour cela, vous envoyez Galaxy au 6322. G-A-L-I. XY Galaxy. Qu'est-ce qu'il y a? Vous rigolez? Non, moi j'ai rien dit. Ah bah très bien, alors j'ai bien dit Galaxy. Galaxy par SMS au 6322, écran de 16/9 Full HD, 18,4 pouces. Allez-y, je prends un tirage au sort demain. Ouais, demain, mercredi, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, Kaufman? Vous rigolez tous là, qu'est-ce qui se passe? T'es en train de parler du français, du petit nègre. De quoi? Bah, tu prends un tirage au sort demain. Ouais, c'est ça. Je parle français, mais dans le mauvais sens. Je prends quelqu'un au tirage au sort demain, voilà. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Bah oui, enfin bon, bref. J'en fous. Parle comme tu veux après tout. Voilà, c'est ça. Le Fun Game Kaufman, on va parler de quoi? Bah, on va parler du succès phénoménal de Pokémon Go qui a dépassé carrément Tinder, l'application de rencontre, mais aussi Twitter. Très bien, on en parle dans quelques secondes. Ça se passe juste après The Chainsmokers sur Fun Radio. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. La radio de la teuf, tout l'été, c'est Fun Radio, le son dance floor. Dis chérie, je me suis occupé des vacances. Enfin une bonne nouvelle. Et en plus, j'ai fait une affaire énorme. J'ai trouvé un last minute. Non. Waouh. Et on part où? Bon, ça, je sais pas encore. Ah. Mais ce que je sais, c'est qu'on part en Volkswagen. Oh. C'est le moment de profiter des conditions last minute chez Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. N'attendez pas pour choisir votre nouvelle Volkswagen chez votre concessionnaire ou sur volkswagen.be. Offre soumise à condition. Fun Radio. Fun Radio. Away, because your baby is so far away. Well, entre 17h et 20h. Profitez, c'est que du fun sur Fun Radio. La suite du son Dance Floor, c'est avec Autonome. Et notre invité d'ici 20h, c'est Henri PFR. Maintenant, c'est l'heure du Fun Game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games, avec Kaufman de Smart Toys. Et on évoque Pokémon Go. Oui, alors qu'il est toujours pas disponible en Belgique ni en France d'ailleurs, Pokémon Go. Oh si, je l'ai. Oui, il y a moyen d'avoir, mais officiellement, Pokémon Go connaît un succès vraiment colossal dans certaines régions du monde, et notamment aux États-Unis. Les chiffres qui nous parviennent sont quasi hallucinants et placent l'appli Nintendo au niveau des plus grands, puisqu'il aura suffit simplement de 2 jours pour que Pokémon Go dépasse Tinder en étant installé sur 5% des appareils Android disponibles aux États-Unis. C'est dire plus impressionnant encore, 60% des personnes qui l'ont téléchargé l'utilisent quotidiennement, soit 3% de la population américaine. C'est vraiment énorme, c'est un chiffre qui est tout simplement au niveau de Twitter sur la plateforme, rien que ça. Laurence, une question ? Mais non, mais en fait, moi j'ai lu hors antenne qu'apparemment Pokémon Go c'était même plus fort que les sites pour adultes. Ça dépasse vraiment tout en fait. Ah ouais, mais c'est énorme, c'est un phénomène ce truc-là. Hein. Ouais, et l'action de Pokémon, enfin l'action Nintendo, grâce à la mise en service de Pokémon Go, eh bien a grimpé comme jamais. Et c'est envolé. Mais moi, je l'ai donc, j'ai installé. Ça bug un peu quand même, hein. C'est les serveurs qui arrivent pas à suivre, le succès est tel que l'éditeur ne pouvait pas prévoir, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un succès inattendu. Ok, et avec la sortie en France et en Belgique, ça va mieux aller pour le niveau des serveurs ? Oui, et tenir, ils comptent ouvrir un serveur rien que pour toi. Hein. Ah, ok, c'est gentil. Merci Nintendo, je les embrasse. Les meilleurs moments de la Pure, ça arrive juste après Autonose avec Avicii sur Fun Radio, c'est que du fun, jusqu'à 20h. Step off the train at dawn, back in the place where I was born. And it's been 10 years since I've been gone. It took me 10 years to know I'm wrong. I've been everywhere and nothing is new. And I've done everything I've said I have to do. I'm nothing without you, without you. I'm nothing at all. Don't know the price of time until you know what life can buy. You know I hope the world's been kind. Hope you can see it in my eyes that I've been everywhere and nothing is new. And I've done everything I've said I have to do. I'm nothing without you, without you. I'm nothing at all. Le son espagnol de Deo arrive sur Fun Radio. C'est que du fun jusqu'à 20h, on est là tout l'été, on remplace la Power qui sera de retour juste après les vacances, Audrey et toute sa team. Et là, on va se écouter un moment avec le Tic Tac Boom, le jeu du Tic Tac Boom. Audrey, les meilleurs moments, c'est maintenant. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. C'est parti, on va se faire le Tic Tac Boom, le nouveau jeu de l'émission. C'est simple, en gros, il y a Fab d'un côté. Yep, il y a d'habitude Sandro, mais qui s'est barré en vacances. Du coup, c'est Bibou qui prend la relève. Je prends la relève, c'est et pas vous gagné allez d'ailleurs. Ah, ça c'est clair. Et vous allez devoir, les garçons, essayer de faire deviner toute une liste de mots aux auditeurs. Celui qui arrivera à en faire deviner un maximum, eh ben, permettra à l'auditeur de repartir avec son pack fun. D'ailleurs, on a Younes qui est là. Younes qui vient de Bruxelles, 35 ans. Salut Younes. Salut à tous. Ça va bien? T'as l'air d'avoir la patate, toi. Non, ça va, je suis en plein dans les embouteillages. Mais bon, quand on vous écoute, on est de bonne humeur. Ah, c'est cool, ça. Oh, c'est gentil, Younes, ça fait plaisir. Younes, tu veux faire équipe avec qui? T'as le choix entre Fab ou Bibou? Avec Fab. Très bon choix, Younes. Et ben donc, Younes, tu feras équipe avec Fab et tu vas devoir affronter Ulrich qui est là. Ulrich qui vient de Charleroi. Salut Ulrich. Salut. Ça va bien, Ulrich? Ouais, ça va très bien, merci. Qu'est-ce que tu fais de l'embouteillage? Toi aussi? Oh bah, décidément, ouais. Tout le monde est dans les emboutes, hein. Aujourd'hui, courage à tous ceux qui sont encore dans les embouteillages, d'accord? On pense fort à vous. Merci d'écouter l'émission. Ulrich, du coup, toi, tu fais équipe avec Bibou, d'accord? Oui. Bon, alors, qui c'est qui veut commencer? Il a pas le choix, le pauvre. Bon, qui c'est qui veut commencer, les garçons? Younes ou Ulrich? Bon, moi, je veux bien commencer. Ah, bah, c'est Ulrich, c'est ça? Non, Younes. Ah, c'est Younes. Ah, c'est Younes. Bon, alors. Ce qui m'arrange très bien, d'ailleurs. Bon, bah, alors, c'est Fab, du coup, qui va se lancer en premier. Je retourne la feuille. Tu as 30 secondes pour essayer de faire deviner un maximum de mots, d'accord? Après, ce sera foutu. Hein. Ok. Ok, Younes, tu te sens prêt? Ouais. Attention, c'est parti! Younes, on boit dedans. Un verre. Bravo, on roule dessus. Des rails. Non, on roule avec une voiture dessus. La route. Bravo, yes. Ça sert à envoyer des mails. Un ordinateur. Bravo, yes. Les chats courent derrière. Les chiens. Non, les c'est tout petit avec une longue queue. Une souris. Bravo. Elle se cache de ce qui lui court derrière. Tu viens de le dire. Les chats. Oui. Bravo. On joue de la musique dessus. Un DJ. Non. C'était un piano. De toute façon, ça fait 5. Bien joué, Younes. 5 bonnes réponses pour Younes et Fab. On va voir si du coup Ulrich et Bibou sont capables de faire de faire beaucoup mieux. Ah. En sachant quand même que c'est la première fois que Bibou joue au jeu. Hein, donc Ulrich, t'es un peu désavantagé. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un point d'avance du coup? Rien du tout. Attends, mais c'est la première fois que je le fais. Commence pas à essayer de négocier. J'ai même pas pu m'entraîner. On va rien savoir, Bibou. Essaye pas de tricher. Donc Ulrich, tu te sens prêt? On peut y aller? Ouais, ça va, on peut y aller. Allez, Bibou, sois bon, c'est parti. On boit un coca avec. On peut boire une boisson avec. On peut boire une boisson avec. Un verre. Ouais, mais avec autre chose. Où on aspire. Non, on aspire, c'est dans un verre. C'est long et fin. Un verre à boire? Mais non, on le met dans un verre pour boire et on aspire en fait. Rien du tout. Je crois qu'on a gagné, Younes. Mais attends, mais tu m'aides pas là. On le met dans un verre et on aspire. Mais c'est une moi paille. J'ai trouvé, c'était une paille. Mais oui. Mais une paille, j'ai dit une paille. T'avais dit une paille. Ouais, il avait dit une paille. Oui. On commence. Vous voulez ou pas? Non, mais si. Je veux bien qu'il recommence. Allez, s'il l'a dit, ok, d'accord, c'est reparti. On le refait, mais on repart à zéro. Ça compte non, pas, non, d'accord. Il fait la paille. J'ai pas un là. Non, t'as pas un. Il fait la paille. Non. Allez, Ulrich, bon, on le refait une dernière fois. Attention, c'est reparti. Ouais, allez, va. Go. On met ça dans un verre pour refroidir ce qu'il y a dedans. C'est très froid. Un glaçon. Un glaçon. Yes. On doit en manger 5 par jour. La fruit. Oui. C'est rond. Enfin, c'est ce que mangent les Italiens tous les jours. Pizza. Oui. Voilà. Ça vole et ça fait zzz. Comment? Et ça pique. Un insecte qui pique et qui vole. Et qui fait zzz. Non. Non. C'est une abeille. C'était une abeille. Une abeille. Ça fait 3 points du coup, de toute façon, pour toi, Ulrich et Bibou. Bah, c'est déjà mieux, mais c'est quand même pas ça qui va vous faire gagner, les garçons. Du coup, c'est Younes et Fab. Ouais, ouais. Yes. Félicitations, clair, les garçons. Arrête de. Tu peux avoir. Ça, c'est mon jeu. Non, non, c'est mon jeu. Non, il faut que tu restes humble. Calme-toi. Ça fait quand même que 2 à 1 hein, pour le moment par rapport à la compétition. D'accord? Donc fais gaffe. Tu peux à tout moment être détrôné. Younes, tu raccroches pas, comme ça on va prendre tes coordonnées. Tu vas repartir avec ton cadeau Fun Radio. Ça marche? Super, avec plaisir. Bravo à toi et merci Ulrich d'avoir participé. Hein, c'est cool, hein. On te fait des gros bisous. Merci, gros bisous. Bisous, bisous. Bonne soirée à tous les deux. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. L'Happy Hour sera de retour juste après les vacances. Il est 18h. Fun Radio. Fun. Solde en électroménager chez Kitchen Market. Lave-vaisselle, sèche-linge, frigo pour moins de 350 euros. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Et c'est l'heure des infos avec Carlo. Salut Carlo. Salut David. Salut à tous. Vous savez tous ce qu'est un végétarien, j'imagine, mais depuis quelques années, on parle aussi beaucoup de végétaliens, c'est-à-dire de gens qui non seulement ne mangent pas de viande, mais évitent aussi tout produit issu des animaux ou de leur exploitation, comme par exemple les œufs, le lait ou le miel. Alors, il faut qu'ils soient sûrs que les œufs, par exemple, aient été pondus par des poules élevées en plein air à l'ancienne, hein, épanouies et équilibrées. Bref, on peut se demander si ce régime vegan convient bien à tout le monde, hein, surtout depuis qu'un bébé italien de 14 mois soumis à ce régime est passé à deux doigts de la mort, un bambin présentant de graves signes de malnutrition et de grosses carences en calcium et en fer. Il paraît qu'en Italie, le végétalisme concerne aujourd'hui pas loin de 3% de la population, ce qui est quand même pas mal. Mais peut-être que ce régime est à déconseiller avant un certain âge aussi. Ça dit, on ne peut que respecter la philosophie consistant à respecter les animaux et leur bien-être. Une philosophie qui est loin d'être partagée par tout le monde, hein, quand on voit les horreurs perpétrés dans les abattoirs ou les corridas ou alors les abandons de chiens pendant les vacances, un grand classique. Par contre, ce qui l'est moins déjà, c'est de retrouver un poulain mort dans un puits, comme ça vient de se passer à Velaines, près de Celles, un malheureux poulain de 2 mois. Les propriétaires de l'animal qui ont fait la découverte ont également constaté que la clôture de la prairie avait été découpée. Reste donc à savoir qui a été assez salaud pour faire une chose pareille. On ne sait pas non plus si le poulain a été tué avant d'être jeté dans le puits ou s'il s'y est noyé. À propos d'animaux toujours, c'est une colombe qui est utilisée dans le logo de la Belgique pour la campagne qu'elle mène afin d'intégrer le Conseil de sécurité de l'ONU en 2019 et 2020. Il faut savoir que ce conseil regroupe 15 pays, donc 5 membres permanents. Les autres siègent pendant 2 ans. Hier soir, Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères, s'est exprimé lors d'une réception à New York pour expliquer pourquoi la Belgique mérite de faire partie de ce conseil. En gros, c'est pour promouvoir les droits de l'homme, histoire de mieux lutter contre l'extrémisme et le terrorisme, pour améliorer l'égalité et contrer les discriminations. Et puis, dans les zones en guerre, protéger les civils, les enfants et garantir l'accès aux écoles et dans les hôpitaux. Ah bon, avec un siège attribué à la Belgique, clair que le Conseil de sécurité de l'ONU ferait enfin du bon travail. Et puis Mark Wilmots a-t-il fait du bon travail, lui, à la tête des Diables Rouges, depuis qu'il est devenu sélectionneur fédéral il y a 4 ans? Ben, tout le monde ne le pense pas, hein. L'élimination de la Belgique en quart de finale de l'Euro a été une grosse déception. Certains reprochent notamment à Wilmots des lacunes sur le plan tactique. Bref, c'est aujourd'hui que l'avenir du sélectionneur est débattu au sein de l'Union belge. Mais pas sûr qu'une décision définitive sera prise dès aujourd'hui. On devrait être fixé avant la fin de la semaine. Et si, comme on s'y attend un petit peu, Mark Wilmots est remercié, bah tout porte à croire qu'on proposera à Michel Preud'homme de le remplacer. Preud'homme qui cumulerait pendant 1 an les jobs de sélectionneur et d'entraîneur de Bruges avant de se consacrer full-time au Diable Rouge. Fun Radio. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur Volkswagen.be. Avant le Sarah, le Salove et des cadeaux encore à gagner, la météo, Carlo, des orages encore? Ouais, des orages comme aujourd'hui, mais aujourd'hui, bon, ça n'a pas duré très longtemps, en tout cas à Bruxelles, hein, j'ai l'impression que c'est déjà presque terminé. Ouais, c'est terminé, je pense. Voilà, pour aujourd'hui. Et alors demain, bah, ce sera rebelote avec des températures qui seront inférieures à 20 degrés. Voilà, prochain rendez-vous info dans 1 heure. Je vous laisse en compagnie de David et du son de Dioro. Salut. Les soldes XXL sur Krefeld.be. Commandez en ligne, livraison possible chez vous 2 heures après. Krefeld. Les meilleurs prix, service compris. Maintenant, retrouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. Tout l'été, 17h-20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Qué la cosa! Bye. donne envie de danser ce son. Le son qui va continuer avec John Dalbach et Rizza, mais là c'est l'heure de râler, de lover. Et on va commencer avec Kaufman qui love. Oui, Kim.com, le nom ne vous dit peut-être rien. Et pourtant il a fait les grandes heures de l'internet avec le site Mega Upload. Ah, j'adorais ce site. Un site qui avait dû fermer en raison d'accusations de piratage, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui déposaient des fichiers illicites et qui partageaient. Bon, il faut dire qu'à l'époque aussi, le site représentait quand même pas mal de trafic. C'était le 13e site le plus visité de tout l'internet. Ah, quand même. Il affichait 50 millions d'utilisateurs quotidiens et représentait 4% du trafic mondial. Oui. Bon, alors moi, pourquoi j'ai levé? Parce que le monsieur, le Kim.com en question, a annoncé, c'est son surnom, a annoncé qu'il allait relancer en 2017 Mega Upload, son emblématique plateforme de téléchargement, soit donc 5 ans après sa fermeture par les autorités américaines. Et pourquoi je love? Parce que le monsieur, il a pris quand même beaucoup de choses sur son dos. Il a été condamné, il a dû payer de sévères amendes, alors qu'il n'était pas forcément responsable pour toutes les conneries qui se faisaient sur le site. Donc moi, je dis maintenant, il a, entre guillemets, payé sa dette. Et il revient sur le devant de la scène avec le nom, un site qui reste emblématique dans la tête des gens. Il va quand même repayer là, parce qu'il va se refaire condamner, non? Ah non, non, non. Bah maintenant, je veux dire, à mon avis, sur son nouveau site, les choses seront plus carrées, si tu vois ce que je veux dire. On n'aura pas le droit de mettre des films, par exemple, ou des jeux vidéo. Par exemple, ou en tout cas, il mettra des avertissements qui l'exempteront de toute poursuite judiciaire. Très bien. Le râle de Laurence. Ben, moi, ce qui m'a fait râler, en fait, c'est l'histoire de trois jeunes femmes qui ont décidé de se baigner dans un endroit pas du tout approprié. Lequel? Donc, ça se passe en fait, ça se passe en Italie, donc à Rome, et donc là-bas il fait pour l'instant très très chaud, donc les températures avoisinent à peu près les 30 degrés, et donc trois jeunes filles ont décidé de se baigner dans l'une des fontaines les plus connues de la ville, la fontaine dell'Acqua Paola, et donc vraiment ça a choqué tous les habitants et tous les internautes, et moi aussi, parce que là je trouve ça super déplacé et pas du tout approprié de se baigner comme ça dans un monument historique de la ville. Je comprends très bien ton râle, effectivement, on se baigne pas à côté du Mac and Peace par exemple. Kaufman, t'as jamais fait ça? Si, moi j'aime bien qu'on me fasse pipi dessus, donc. Allez, pour la suite, ça sera avec la Samsung Galaxy View et les topitos du jour. Le top 5 des phrases à la con pour justifier les achats de nouveaux vêtements. On en parle juste après John Talbach et Rizza sur Fun Radio. On est ensemble jusqu'à 20h. I love it.

Invité exceptionnel dans C'est que du fun, Henri PFR sera avec nous d'ici 20h. Pour ceux qui ne connaissent pas Henri PFR, ça donne ça avec Home. Dans quelques minutes, il y aura aussi le fun game de Kaufman. On va parler de quoi, Kaufman ? On parlera de la guerre dans les jeux vidéo, mon général. Général, ok, c'est bon, c'est noté. Il y aura aussi la radio par le contrôle. Et là, il y a le top 5 des phrases à la con pour justifier l'achat de nouveaux vêtements. En cinquième position, la phrase « J'ai plus rien à mettre ». Toutes les filles disent ça. J'ai déjà entendu tout dans une fille dire ça. Bah oui, et alors ? Bah c'est gênant quand même. Vous avez toujours quelque chose à vous mettre, non ? Bah non, c'est pas, il n'y a plus rien à mettre. À se mettre. À se mettre, oui. Ouais, d'accord. Tu dis à se mettre. À se mettre, ah oui, à se mettre, oh, c'est pareil. Quatrième position, je compte perdre un peu, j'achète une taille en dessous pour me motiver. Ouais, vous pensez que vous allez perdre du poids tout le temps en fait, les filles, alors que bah non. Ouais, c'est aussi même, c'est motivant, moi je trouve que c'est super bien. Troisième position, oui, c'est vrai, c'est un peu cher, mais c'est de la marque, ça tient 20 ans un truc comme ça, ça c'est faux, hein, bien sûr. Ah, ça, je le dis tout le temps. Vous allez pas mettre 20 ans un truc, hein, donc ça ne tient pas du tout comme argument. Deuxième position, à 50%. Ça vaut carrément le coup quand même là, la promotion, hein. Les soldes, vous en profitez pendant les soldes, hein. Bah même hors soldes, hein, quand il y a des bonnes promos comme ça, faut les saisir, y a pas d'excuse. Et en top 1, attends, avec la journée de merde que j'ai eue, si je peux pas m'acheter de fringues quand même, ouais ok, c'est une journée de merde, mais avec 200 euros en moins sur le compte en banque, ça sera encore plus merdique je pense. Hein, non, mais ça dépend pour qui, si ça le tient c'est pas grave. Vous dépensez beaucoup, hein. Kaufman, tu dépenses combien toi par exemple dans les soldes? Ah, j'ai jamais compté, mais c'est vrai que ça peut grimper vite, hein. Jusqu'à 200 pour toi à peu près? Ouais, par mois? Non, juste pendant les soldes. Ah ouais, à peu près 200 euros. Ouais. 200, Laurence, combien? Ah ben moi, par mois, c'est ouais, ça doit être 200 euros par mois ou un peu plus en shopping. Ah, par mois, toi? Bah, je suis une accro, comme la plupart des filles, c'est bon. Hein. Oh là là là, c'est beaucoup. Dites-nous, au 3044, combien vous dépensez par mois niveau shopping? Ça nous intéresse, allez-y. Juste après, c'est la radio Perle Contrôle et le Fun Game qui débarque, c'est que du fun jusqu'à 20h. Love me like no one else get you high. Fun Radio. Let's talk about- about sex. Cheat code. Fun. Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Les sons dance floor. That was unforgettable. I wanna do it again. You're crazy like an animal. And I don't want it to end. Tell me all your dreams in darkest fantasy. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Iglesias de Baxo Fun Radio. Et d'ici 20h, on accueille Henri PFR. Henri PFR, pour ceux qui ne connaissent pas, ça donne ça. Le jeune DJ belge, on le reçoit d'ici 20h, mais maintenant c'est l'heure de la radio perd le contrôle. On écoute les autres radios, on repère les erreurs et on vous les diffuse. Et oui, la radio perd le contrôle sur Fun Radio. Et aujourd'hui, je me suis intéressé à Bel RTL. Le journaliste parle de la Grèce, mais je crois qu'il se trompe sur le nombre d'habitants. Ça fait beaucoup trop là pour la Grèce, hein. Et puis ce chiffre, il concerne la Grèce. Dans ce pays, 250 millions de citoyens. Ah quand même, beaucoup. C'est énorme pour un petit pays comme la Grèce, dis donc. Après, c'est l'animateur qui va poser une question à son chroniqueur, mais son chroniqueur va lui mettre le vent de l'année. Bon, bonjour Olivier, bonjour à tous. Est-ce que vous avez un animal de compagnie, Olivier? Non. Non. Donc voilà. Bon. Faire ça un jour aussi, non, voilà, bah, tu te démerdes. Le midi sur Bel RTL, c'est un jeu animé par Mickaël. On dirait que le mec a bouffé son micro à un moment quand même. ce sera un homme ou une femme. On verra ça dans quelques instants sur Bel RTL dans la suite. Bonne journée les amis. Le micro est la baguette totale, mais mon meilleur moment reste quand même la Grèce avec le nombre d'habitants. Et puis ce chiffre, il concerne la Grèce. Dans ce pays, 250 millions de citoyens. Ça fait beaucoup de Grecs. De citoyens en plus. Pour la suite, il y aura le fun game et également le pourquoi du comment. La question du jour, c'est quoi, Laurence? Mais en fait, combien de neurones peut-on perdre chaque jour? Ah, on perd des neurones chaque jour. Bah ouais. T'avais pas remarqué? Non, j'avais pas remarqué. Moi, j'ai remarqué chez toi en tout cas. Et Kaufman, le fun game, il y aura quoi? Bah écoute, il me reste qu'un neurone, donc ça va plus être possible. Ah mince, je vais devoir faire un remplacement. Oui, ou m'injecter des neurones, mais il y aura la guerre dans les jeux vidéo. Ok. Hein, on parlera des deux grandes franchises guerrières dans le jeu vidéo, à savoir Call of Duty et Battlefield. Et puis, on vous donnera vraiment le bon tuyau pour terminer votre journée sur votre Xbox One, si jamais vous en possédez une et que vous avez envie de l'upgrader gratuitement. On vous donnera un très bon tuyau. Ah, merci Kaufman et merci Smart Toys. On en parle juste après. Enrique Iglesias sur Fun Radio. Dis, la Suzy de la boulangerie a encore fait très fort. Non. Tu te souviens, elle avait réservé un vol sur thomascookairlines.be. Oui, alors? Alors, elle est rentrée avec un maître nageur espagnol. Oh, c'est pas vrai! Qu'est-ce que tu fais? Bah, je réserve aussi un vol sur thomascookairlines.be, tiens. Réservez votre vol à partir de 49,99€ sur thomascookairlines.be et envolez-vous au soleil avec nous. In the summertime, faut passer chez Hyundai. On y va à fond avec les Summer Big Deals. Nos véhicules de stock à prix vraiment, vraiment très, très, très réduit. Cet été, passez chez Hyundai et profitez de réductions allant jusqu'à 35% sur plus de 400 modèles de stock. Surfez vite sur Hyundai.be car les plus rapides seront les premiers servis. Infos et conditions sur Hyundai.be. Hyundai. New thinking, new possibilities. Bon contact, prêt pour un nouveau cas de je sais pas choisir. Alors, les festivals. Ah, si il faut encore que je me trouve une tente. Le genre qu'on jette en l'air? Ouais, non, mais ça, quand on l'a picolé, on n'arrive plus à la replier. Une bonne tente old school? Non, ça. Même sobre, j'arrive pas à la monter. Hey, si je piotais dans la tente de Sarah? Ou dans celle de Julie? Julie. Choisir n'est jamais simple, sauf pour payer. Car là, on choisit Bon Contact, le mode de paiement préféré des Belges. Bon Contact, ça, c'est sûr. Fun Radio. Fun Radio. It's our strangest feeling, feeling this way for you. There's something the way you move, something the way you move. With you I'm ever heating, it's heartache through and through. There's something the way you move, I don't know what it is you do. I won't want anybody good enough for me. But this heart is open, blasting on my sleeve. Entre 17h et 20h, profitez, c'est que du fun sur Fun Radio. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Sufrimiento que te hace llorar. Galantis arrive sur Fun Radio. Avant les meilleurs moments de la Power, c'est l'heure du Fun Game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Et on va parler des jeux de guerre en général, c'est oui, ça ? Vous savez qu'il y a deux grandes licences, deux grandes franchises dans le monde du jeu vidéo. Il y a d'une part Call of Duty. Ah oui, Call of. Qui est la série la mieux vendue, la série guerrière la mieux vendue. Mais il y a aussi Battlefield. Et ouais. Les deux vont sortir à la rentrée cette année. Nouveaux jeux. Des nouveaux jeux évidemment, ouais. Et ce qui est très rare, c'est que ça se produit à peu près une fois tous les 3 ans que le Battlefield rencontre le Call of Duty. On pourrait se dire comme ça que c'est de la concurrence, qu'ils vont se tirer dans les pattes. Et puis il y a quelqu'un de Electronic Arts, qui est à l'origine donc de Battlefield, qui a dit mais pas du tout, c'est de l'émulation, parce que tous les développeurs sont très très motivés, d'une part les développeurs de Call of Duty, mais également les développeurs de Battlefield, à faire mieux que leurs voisins. Ah ouais, ce qui mal, fait ça. Que c'est une émulation très positive pour les développeurs qui ont envie de faire mieux et qui donc mettent plus de qualité dans leur jeu. Et c'est mieux que s'il n'y avait que Call of Duty ou que Battlefield qui ne sortait cette année-là. Donc Activision a dit qu'effectivement ils étaient d'accord avec ça. Activision qui est à l'origine de Call of Duty. Okay. Donc tout le monde il est beau, tout le monde il est content, tout le monde, tout le monde va faire la guerre dès la rentrée de cette année. Et ça sort en septembre. Ça sort en novembre. Novembre, ok. Call of Duty. Il y aura une démo possible avant. Oh, il est fort. Il est très très fort, Tom. Je l'ai eu en formation pendant un an. Est-ce qu'il y aura une démo? Oui, il y aura évidemment sans doute des open bêta ou des closed bêta, donc des moments où vous pourrez tester ces jeux-là. Et avant 20h, on vous dit comment faire pour échanger votre Xbox One contre une console Xbox One plus puissante. C'est une exclusivité, c'est que du fun et ça se passe avant 20h. Très bien, il y aura aussi les meilleurs moments de l'Happy Hour. On en parle juste après Galantis avec No Money sur Fun Radio. On est ensemble jusqu'à 20h. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. You might knock me down. You might knock me down. But I will get back up again. You can call it how you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. Débarque sur Fun Radio. À venir aussi le pourquoi du comment et la question du jour, Laurence, c'est combien de neurones perd-on chaque jour? Ok, le Kaufman, une estimation? Je suis en train de les ramasser, les miens. Si on perd de trop, c'est comme les cheveux, tu vois. Merde, t'en as perdu beaucoup. Alors. Ah bah oui, c'est par paquet, quoi. Oui, au 3044, allez-y pour dire le nombre de neurones qu'on perd par jour. Moi, je dirais aux alentours de, je sais pas, 1000 neurones par jour, c'est déjà beaucoup. Allez-y au 3044, on a la réponse tout à l'heure. Mais là, c'est les meilleurs moments de l'Happy Hour avec Audrey. Vous écoutez Audrey, l'Happy Hour, Laurence, Kaufman. J'adore! Avec Fab et... Et Sandro. Bien joué, on s'écoute les meilleurs moments et là, il parle du Québec. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. On va voyager aussi maintenant avec Frédéric qui vient du Canada. Alors Frédéric, tu nous as promis que toi aussi, t'avais des petites chansons paillardes à nous faire découvrir. Alors vas-y, fais-nous rêver. Oui, exactement. Des chansons, je dirais meilleures que ce que tu nous as chanté tout à l'heure. Merci, merci. En fait, pas nécessairement paillardes, mais vraiment des classiques de chez nous, des chansons que tout le monde connaît et que tout le monde a chanté au karaoké. Et la première, eh bien, ça vient d'un groupe qui s'appelle Les Colocs. Yeah! Oui! Hier, j'ai parlé de Belzébuth, et bien ça venait de ce groupe-là aussi. Et ça, c'est la plus connue, je dirais. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, d'accord. Attends, on écoute. Ma petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale, elle s'appelait Saint-Cyril. La coop, le croque mort. Oh mon dieu. Et le magasin général. En fait, ils vivent encore dans le passé. Hein. Attends, vas-y, mais fais écouter, c'est trop fort. Sa rue principale. Depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Donc c'est vraiment le Québec dans les années 1960-70, puis avec l'avènement justement des centres d'achat, de l'économie, des magasins. Puis on comprend justement l'histoire du gars qui retourne dans sa ville, puis il est complètement déçu parce que tout d'un coup ça c'est mort, ça a changé. Et quoi? Non mais ça, Frédéric, au Canada c'est à la mode. Genre les jeunes, ils savent chanter ça? Ils savent chanter ça, c'est pas la mode, ça joue pas à la radio, mais ça joue au karaoké. C'est un peu comme la petite gaïole quoi, tout le monde sait le chanter mais c'est pas à la mode. Je vous arrête tout de suite là, stop, on arrête tout, moi je ne découvre ouvrir un piège là. Quoi? Vous nous mentez depuis des années le Québec. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le mec il chante. Ouais. Il perd pas son accent. Attends, pourquoi quand Céline pour Dion elle chante elle perd son accent? Attends, fais voir, attends. Il a pas l'accent le gars? Moshi. Bah oui, il a l'accent. Voyons. Attends, mais ouais. Moshi quand bah oui, le gars. Mais oui, c'est ça. Bah Céline Dion et les autres, il les perd pas. Non, mais Céline Dion, c'est pas une question d'accent, c'est une question de voix. Non, ah voilà. Thème de excusez-moi, je suis pas d'accord. Garou, c'est aussi un Québécois, non? Il perd, il perd l'accent. Quand on chante, l'accent, son voix. Non, mais pourquoi mais lui c'est un vrai. Là, le but des colocs, c'était pas d'être exporté en France. Mais voilà. Mais c'est ça. Si tu veux être exporté, faut que tu perdes l'accent. C'est voilà. Ah, mais t'en as une autre de chanson comme ça? Ben oui. Ben en fait, ça, c'est un groupe qui a inspiré plusieurs autres groupes, dont Mes Aïeux, qui est d'ailleurs le groupe préféré de ma petite sœur. Il manque un D, non? Non. Mes Aïeux, comme justement les Aïeux. Et c'est eux qui sont à la base d'un mouvement qui s'appelle le néo-trad. Donc, c'est comme du nouveau traditionnel. Et une de mes chansons préférées de ce groupe-là, eh bien, ça raconte l'histoire des Québécois et ses dégénérations. On dirait un truc des blacks, les blacks machins. Ouais. Ton arrière-arrière-grand-père. On part de loin, là. Il a défriché. On dirait Michel Sardou. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. C'est vraiment l'histoire des générations. Toi, mon petit gars, tu sais plus c'est trop drôle, quoi. Tu connais ma. On dirait trop ça, mais en mode canadien. Ouais, exactement. Donc, ça part du père, après la grand-mère, les grands-parents. Puis, c'est vraiment le choc des générations. Et mais Fred, on dirait, tu sais, des trucs un peu de cow-boy. Tu vois? Ben, non, mais ça, ça ressemble à ça. Tu connais ça? Les lacs du choléra. Bah, attends. Non. Ça, c'est le truc qu'on passe quand on a trop bu encore. C'est aussi un grand-père, il a vendu, il a revendu. Ok, c'est le même son. Non, et nous, on se fait des challenges, ça va de plus en plus vite, tu vois. Et souvent, le but, c'est justement d'aller suivre le truc en dansant. Généralement, nous, dans les soirées, une fois que t'entends ça, tu sais que juste après, il y aura Capitaine Flamme. Je connais pas. Mais des générations, il y a un solo de violon qui va de plus en plus vite vers la fin de la chanson. Ah ben voilà, tu vois. Faut faire la ligue, faut faire de plus en plus vite. Écoute, le gars, là, tu vois, c'est doucement. Ça, c'est le moment où généralement, t'essayes de reprendre ton souffle parce que t'es mort. Tu bois un coup de bière. Tu bois un petit coup de bière. Parce que tu sais qu'après, tu vas galérer parce que le gars, il fait une accélération. Tu sais pas ce qu'il lui prend, mais. Et là, tu chantes là-bas. Je connais pas les paroles. Attention, ça va redécoller. Là, ça part. Terre. Merde, attends. Non. Terre. Non, toujours pas. Chut, tais-toi. Terre. Non. Non. Ah oui, là, c'est le truc, voilà, version écossais. C'est l'harmonica écossais. Allez, tapez des mains aussi dans la voiture. Sauf pour ceux qui conduisent, vous les laissez sur le volant. Ce qui est bien, c'est que tu te rends compte plus après. Dans l'équipe, on n'a pas du tout le rythme. Non, pas du tout. Ben voilà, c'était une spéciale chanson paillarde. Frédéric, merci pour la découverte, c'est génial. Ah ben de rien. Et d'ailleurs, vous allez voir ça, mes aïeux. Il y a un mes aïeux. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. L'Happy Hour sera de retour juste après les vacances. Pour le programme, dans la prochaine heure, il y aura le jeu du Blackjack. Pour vous inscrire, vous envoyez jeu au 30-44. On a encore des cadeaux, Kaufman? Oui, bien sûr, on a des packs de goodies, collector, Overwatch, mais également Doom. De quoi passer un chouette été, hein. C'est que du fun. Il y a le pourquoi du comment qui débarque avec la question de Laurence. Alors aujourd'hui, je me suis demandé combien de neurones perd-on par jour? Ok, très bien. Allez-y au 30-44 pour nous dire combien on perd de neurones par jour. Moi, j'ai parié sur 1000. 1000, c'est plus ou c'est moins? C'est plus. Ah mince, je me trompais déjà. Il y aura aussi le fun game, on va parler d'une exclue, je crois. Oui, comment échanger votre Xbox One lorsque la console suivante apparaîtra sur le marché? Et on peut l'échanger contre une autre console. Allez. Gratuitement. Attends, 19h20, 19h30, okay, je t'explique tout. On a aussi un invité exceptionnel, c'est un Ripé FR qui débarque sur Fun Radio dans quelques secondes. Vous avez préparé vos questions pour Henri PFR? Oui. Oui. Ah, c'est quoi votre première question? Allez-y, dites-moi. Bah non, tu verras, surprise. On va rien dire chez vous, dis donc. Il viendra mixer en direct entre 19h45 et 20h, 15 minutes de mix, juste avant Party Fun. Et on lui posera des questions avant Henri PFR et notre invité exceptionnel. Et moi, ma première question t'intéresse pas en fait. Bah si, très bien, mais vous voulez pas la dire apparemment. Si, moi oui. Ah, vas-y, Kaufman. Moi, c'est les techniques de drague du DJ, ça m'intéresse. Ah, toujours pour draguer, toi. Et t'as tes DJ en plus, non? Bah voilà, pour voir si les techniques ont évolué ou c'est toujours les mêmes. Tu fais toujours des mix quelque part, non? Dans ma tête. C'est juste qu'il y a de la place en plus pour faire des mix. Allez, 19h, c'est l'heure des infos. Fun Radio. Fun. Solde en électroménager chez Kitchen Market. Plancha, presse agrumes, croque-monsieur pour moins de 40 euros. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Salut David, salut à tous. Trouver une place de parking gratuite à Bruxelles est devenu quasi impossible, hein, et tant pis pour les navetteurs qui préfèrent toujours la bagnole au train. Notez que certains d'entre eux avaient une petite combine en se garer très tôt sur le parking du magasin Carrefour à la sortie de la E411 à Oderghem avant de prendre le métro, mais c'est plus possible vu que la grande surface a décidé de fermer ce parking jusqu'à 8h25 du matin. La commune d'Oderghem en profite pour rappeler que ça fait un moment qu'elle réclame un vrai parking de dissuasion à la sortie de l'autoroute, mais ce n'est pas dans les projets de la région bruxelloise. La Défense aura un nouveau patron demain. Je ne parle pas du ministère de la Défense, mais bien de l'armée belge. Comme le numéro 1 de la Grande Muette, le général Van Kallenberg prend sa retraite aujourd'hui, et bien c'est le numéro 2 qui va lui succéder, en toute bonne logique, à savoir le lieutenant général Marc Kompernol, 59 ans, polytechnicien, donc une tête, hein, comme on dit, et ancien artilleur paracommando. Dans l'actu internationale, nous avons la décision prise par la Cour d'arbitrage permanente de l'AE. Décision qui risque de ne pas plaire des masses aux Chinois et qui concerne la petite rivalité entre la Chine et les Philippines en mer de Chine méridionale. Pékin revendique cette zone maritime, mais la Cour estime que ce n'est pas parce que ça s'appelle mer de Chine méridionale que la Chine y a des droits historiques et que les revendications chinoises ne reposent sur aucune base légale. Pour la Cour d'arbitrage, la Chine a interféré avec les droits de pêche des Philippines dans les parages d'un récif et violé les droits souverains des Philippines en prospectant dans les parages d'un autre récif. On parle beaucoup des violences commises aux États-Unis, notamment par des policiers blancs sur des noirs, mais figurez-vous qu'à New York, en tout cas, les meurtres ont diminué durant le premier semestre 2016, ainsi que les incidents armés, qui sont au plus bas depuis 20 ans, hein, quand même. Par contre, le nombre de viols a augmenté, passant de 661 à 706. Le viol, un fléau international évidemment, mais qui semble plus répandu dans certains endroits que dans d'autres. Et c'est ainsi que l'ONU a dénoncé la persistance des viols en Côte d'Ivoire, où les victimes sont nombreuses, même que dans 2/3 des cas, il s'agirait d'enfants. Il est vrai que dans 90% de ces cas, une enquête est ouverte concernant ces abus, mais moins de 20% d'entre eux font l'objet de jugements. Enfin, je vous disais à 18h qu'on saurait, en principe, avant la fin de la semaine, si Mark Wilmots avait encore un avenir à la tête de notre équipe nationale. Pour ce qui est de l'avenir de deux Diables Rouges, la Gazzetta dello Sport est persuadée qu'Axel Witsel va quitter Saint-Pétersbourg pour aller jouer aux côtés d'Edris Mertens à Naples. Et puis Jordan Lukaku aussi pourrait s'épanouir dans la botte, mais un petit peu plus au nord, à la Lazio Rome. C'est en tout cas ce que croit savoir Hot Newsblad. Fun. Fun Radio. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur Volkswagen.be. Avant le jeu du Blackjack, c'est l'heure de la météo. Carlo, alors quel temps? La météo pour demain, un petit peu comme aujourd'hui, en tout cas comme ces dernières heures, avec des orages au programme et des températures encore un petit peu plus fraîches qu'aujourd'hui. Une nouvelle journée estivale maussade. Donc voilà, prochain rendez-vous info en ce qui me concerne, c'est demain à midi. À tous une excellente soirée. Je vous laisse en compagnie de David et du son de Kungs. Salut. Fun. Fun Radio. Les soldes XXL, c'est aussi jusqu'à moins 70% sur toutes les marques d'encastrables. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son Dance Floor. Tout l'été, 17h-20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. Le son dance floor continue avec Era et Streffy et Bon Bon. Avant le pourquoi du comment et le fun game, c'est le moment de jouer au jeu du blackjack. Et j'accueille Guillaume qui est avec nous. Salut Guillaume. Salut tout le monde. Ça va bien Guillaume ? Comment ça va Guillaume ? Bien et vous ? Bah impeccable, autour de la table, Kaufman, ça va bien ? Bien, très bien, très, très bien, très bien. En pleine forme, Laurence, au taquet. Super bien aussi, ouais. Voilà. Et le jeu du blackjack, Guillaume, le principe est très simple. Je te dévoile des cartes une par une. Pour dévoiler une carte, tu as qu'à me dire encore. Et si la somme des cartes est comprise entre 18 et 21, tu gagnes un pack fun. Si tu as 21 piles, tu gagnes un jeu vidéo. Ok, Guillaume ? D'accord. On est prêt, attention, je vais dévoiler une première carte, Guillaume. Première carte, c'est un 2. Encore. On continue Guillaume, bien sûr. Oh oui, encore Guillaume. Deuxième carte, c'est un 4. On est à 6. Encore. Oh encore. Oui, encore Guillaume. Troisième carte, c'est un 2. On est donc à 8. Encore. Oh oui, encore. C'est un 3, on a que des petits chiffres. 3, donc on est à combien? 4, 6, 8, 11. On est à 11. Encore. Oh hey, Kaufman, il un peu ça, plus Guillaume. Quel coquinou ce Guillaume. Un 7. 11 plus 7. 18. C'est donc un pack fun pour l'instant, Guillaume. Est-ce que tu vas tenter le coup de 21 et te faut un 3 pour gagner un jeu vidéo? Guillaume. Je m'arrête là. T'es sûr? Non, Guillaume. Alors, Guillaume. Je le sens bien, moi, aujourd'hui. Guillaume, écoute Kaufman. Kaufman, essaye de le convaincre. Non, la sagesse. Faut écouter la sagesse. Guillaume. T'as une PlayStation chez toi, j'en suis sûr. Une Xbox One. Une Xbox One. Je sens le jeu vidéo Xbox One arriver bientôt chez toi. Alors Guillaume, prends là non, cette carte. Je vais pas prendre le risque. T'es sûr Guillaume? Saisis ta chance. Oui. On s'arrête là? Oui. Allez, c'est déjà un pack fun. Bravo Guillaume. Bravo. Bravo Guillaume. Et je te dévoile quand même la carte pour savoir si tu vas avoir des regrets. C'était un 11. Et la carte c'était un 10, donc pas de regrets, ah, t'as bah raison. Voilà. Bravo Guillaume, tu repars avec un pack fun. Bravo à toi. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée Guillaume, bisous bisous. Salut Guillaume. Au revoir. Et pour vous inscrire, faites comme Guillaume, envoyez jeu au 3044. Le blackjack revient demain. Le pourquoi du comment et la question, Laurence, c'est quoi aujourd'hui? Bah en fait, je voulais savoir combien on perd de neurones par jour. Ok, très bien, on en parle juste après. Era et Streffy, bonne bonne, c'est que du fun jusqu'à 20h. Bun bun, Evanescence buns bun. Dun dun, bet you wanna taste it. Bun bun, bet you wanna taste it. If you chit it, dun dun dun. Bun bun, Evanescence buns bun. Dun dun, bet you wanna taste it. Bun bun, bet you wanna taste it. If you chit it, dun dun dun. King of the kept to passing. Millions of suit of the screen boost. Can I catch up on the blues? Prishë, prishë Kjo mund si jo më ane Se kur ftof një her Jo më nuk e ndzej Fun Radio. Fun Radio. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised. Crazy night, intense. Now living my own life. Got you out of my head. Been wasting too much time. Gonna leave you far behind. Thinking of me when you took her. Does she know you were supposed to love me till you die? Almost. La suite du son dance floor avec Drake. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. Et le pourquoi du comment et la question du jour, Laurence, c'est... Bah, je me suis demandé combien de neurones on perdait par jour. Très bien, la réponse dans quelques secondes avec le fun game aussi de Kaufman. Oui. On va parler de quoi? Je me souviens plus, j'ai perdu. Il y a également notre invité exceptionnel, Henri PFR sera avec nous. Pour ceux qui ne connaissent pas, Henri PFR, c'est ça. Il est avec nous dans quelques minutes et il viendra mixer pendant un quart d'heure, 20 minutes, c'est juste après ça. Fun.

On continue le son de Dance Floor avec Major Lazer. Et là, c'est l'heure du pourquoi, du comment avec Laurence et la question de Laurence. Bah, je me suis demandé combien de neurones on peut perdre par jour. Ah, et la réponse alors? Bah, la réponse, je te la dis dans quelques instants, mais d'abord, je vais te dire que moi, en regardant l'Euro, je me suis demandé combien de neurones ils pouvaient perdre ces joueurs en se frappant la tête, en faisant des têtes tout le temps et tout. Ouais. Je me suis dit, attends, comment ils gardent encore leur cerveau actif? Mais donc, il faut savoir que le cerveau humain a 100 milliards de neurones. Ouf, quand mais même. Ils ont une durée de vie de quelques mois. Ah, ok, seulement. Voilà. C'est ça. Mais l'organisme perd chaque jour 10 000 neurones. Ouais. Mais la perte est compensée jusqu'à l'âge de 65 ans. Et après? Et après, ça devient plus compliqué en fait. Après, c'est perdu. Après, c'est perdu. Et la perte peut être encore plus grande si on a des chocs à la tête. Donc, ouais. Forcément, les footballeurs, les boxeurs et tout. Et si on a des accidents. Ah oui, normal quoi. J'en doute un petit peu de ça. Merci Laurence. Donc voilà. quoi? Kaufman, toi, t'as j'ai pris beaucoup de coups à la tête, donc je sais pas, j'ai fait le compte hier. Il m'en reste 4. Ah, 4, ça va beaucoup. Ouais. Ça suffit pour faire le fun game? Écoute normalement. Allez, c'est parti. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le fun games avec Kaufman de Smart Toys. On va évoquer Xbox. Oui, le tout bon plan de ce soir, c'est que, vous le savez, il y aura des nouvelles générations de consoles qui vont sortir, ouais. Là, dans pas très très longtemps, quelques mois. Et il va y avoir la Xbox One Scorpio, qui est un peu la Xbox One évoluée, puisqu'elle elle sera 4K, elle sera compatible avec la, ouais, 4K qu'on a déjà en télévision. Donc on pourra jouer en 4K, elle sera aussi munie d'un lecteur Blu-ray dernière génération. Il faut le téléviseur 4K qui va avec. Bien sûr. Ok, voilà, donc c'est pour savoir. Oui, oui, pour émuler de la 4K, il faut un téléviseur 4K. C'est la question. Et forcément, le passage d'une génération à une autre ennuie toujours les joueurs parce que ça leur coûte beaucoup, beaucoup d'argent. 400 euros, quoi. Oui, il faut chaque fois débourser, ouais, une nouvelle console, t'as raison. Sauf que, d'après mes informations exclusives, ça restera encore à vérifier, mais quand je dis quelque chose, généralement, ça passe. C'est le boulard. C'est le boulard. C'est quoi l'info, alors? Et c'est ça, là, tu viens de m'enlever encore quelques neurones avec le choc. Et l'info, c'est que Microsoft veut mettre en place un programme d'échange pour reprendre votre Xbox One et vous l'échangez contre un petit supplément contre la Xbox One Scorpio. Note-le, on est le 12 juillet, ouais. Je lance l'info en Belgique, on se donne rendez-vous en septembre. C'est en septembre qu'on va savoir? Non, mais on se donne quand même rendez-vous en septembre. Allez, pour la suite, on accueille Henri P. C'est notre invité jusqu'à 20h. Ça se passe juste après Major Lazer sur Fun Radio. C'est que du fun jusqu'à 20h. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. Got a body like Baywatch. Baywatch. I met her at Playhouse. Oh, yeah. Bought 10 bottles, bought 10 more. 10 more. Told her move her ass to the tempo. Hey. Is you really with the shit though? Shit though. Really, is you really with the shit though? Shit though. We got champagne and vodka. Vodka. Goons will be if they need a pile of. Whoa. Fuck niggas, hate real niggas, get money. Get money. All motherfucking day. Baby, ooh, drop it to the ground like yes, bitch. Bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. To the club, I'm smashing. We'll come home to the past. Baby, girl, please, please, baby, don't leave. You got that booty, booty, boom, bam, bam. Baby, give me that boom, bam, bam. Baby, girl, please, please, baby, don't leave. You got that booty, booty, boom, bam, bam. Baby, give me that boom, bam, bam. Ow. Rider, break a cup. She a make bag of nice, me no even give a fuck. She a swan like a sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other man a girl is, I'm in Santa forever. Girl, please, baby, don't leave. You got that booty, booty, boom, bam, bam. PFR est notre invité, c'est ça Henri PFR. Salut Henri, ça va bien? Ça va bien et toi? Ouais, ça va impeccable. Henri PFR, déjà une première question, Henri, est-ce que c'est ton vrai nom PFR? Bah c'est mon nom sans les voyelles. Mon vrai nom, c'est PFR. Ah d'accord, ok. C'est allemand. Comme ça, moi je m'étais renseigné, c'est pour ça que j'ai pas posé la question. Moi je peux pas lui poser directement, tu vois. Tu viens de sortir ton titre Home, il veut dire quoi ce titre? C'est quelle histoire? Alors Home, si je pourrais donner un peu une histoire à Home, ben je l'ai fait quand j'étais en vacances, en tournée. Ouais. Et ouais, j'associe les vacances, les tournées et les vacances, c'est un peu la même chose pour moi. et du coup c'était un peu, t'es à l'aéroport et t'as qu'une seule envie, c'est être dans ton lit et dormir dans ton lit quoi. Et c'est un peu le côté, tu vois, rentrer, pouvoir rentrer chez soi et retrouver sa maison, l'odeur de sa maison, la douceur de ses draps pour faire beau. Mais c'était ça, c'est un peu l'idée du morceau, c'est un peu vraiment le côté de ouais, on a beau faire le tour du monde, on est bien qu'à la maison quoi. Et tu le fais le tour du monde en ce moment, non? Pour l'instant ça se passe bien, c'est chouette, c'est chouette. Pour l'instant j'ai bien tourné là dernièrement, j'ai fait une tournée aux États-Unis, à Dubaï. Enfin ça, c'est chouette, ouais c'est cool, c'est cool. Et t'aimes beaucoup ces voyages je crois, tu mets beaucoup de photos sur Instagram, des voyages, des trucs du genre. Ouais j'adore voyager clairement. Après là je me contredis par rapport à ce que je viens de dire. Non mais j'adore le voyage et c'est pour ça... C'est une des raisons principales pour laquelle j'ai commencé la musique, c'est pour espérer pouvoir en voyager un jour grâce à la musique. Et comment tu fais pour choisir les voix de tes chansons? La chanteuse par exemple? Écoute, ça dépend pas mal. Donc par exemple, il y a quelques fois on me demande pour faire un remix, alors là on reçoit directement la voix. Okay. Et par exemple pour moi, pour un morceau comme Home, on a fait Home avec mon guitariste, on était à deux en studio, on a fait Home. Et après je l'ai envoyé à mon label, qu'ils ont bien aimé, et qu'ils ont du coup cherché des chanteurs et des chanteuses, ils ont trouvé une chanteuse, et alors du coup elle est venue en studio, il y en a... Et voilà. Et toi tu l'as choisi un peu quand même, tu te dis ouais oui, forcément, on reçoit des propositions de vocales. Donc par exemple, il y a une autre chanteuse qui avait dit qui avait fait une autre mélodie. On était là, non, on n'aime pas trop. Okay. Il y avait elle qui avait fait la proposition de Home. Alors du coup, on s'est posé ensemble et on a un peu essayé de chercher plus loin dans son texte et dans sa mélodie. Quoi. Allez, question maintenant des chroniqueurs avec Kaufman. Oui, qui c'est ton exemple dans le DJing ou dans la production? Qui t'aimerais, quel chemin t'aimerais suivre si tu devais choisir un artiste? Si je devrais suivre un chemin, un artiste. Ouais. Oh, je vais prendre un exemple Kygo, je pense, parce que lui, ce que j'adore, c'est qu'il propose en live, il ne propose pas juste un DJ set, il est pas juste avec deux clés USB en train de mixer, non, il est vraiment derrière son piano, ses compositions, enfin j'adore, enfin j'aime vraiment bien l'artiste, son image et ses lives aussi, quoi. D'accord. Laurence, une question? Ouais, t'es jeune, t'as 20 ans, t'as sûrement commencé hyper jeune. Et au niveau de l'école, ça se passe comment? Au niveau de l'école, en fait, j'ai commencé l'université il y a 2 ans et j'ai pris une pause sur mes études pour la musique, justement. C'était un peu une grande discussion avec les parents. Et au final, on s'est dit, je faisais les études à 50%, la musique à 50%. On s'est dit, faisons un des deux à fond, mais les deux comme ça, ça va pas. Et donc, du coup, j'ai décidé de m'investir à fond dans la musique, quoi. Ok, cool. Moi, c'est chouette. Merci beaucoup. La suite des questions, c'est juste après son titre. Home, Henri PFR est avec nous jusqu'à 20h et il va mixer en direct. T'es prêt pour mixer, Henri? Ça va? Je pense que ça devrait aller. C'est la révélation de l'année pour moi, Henri PFR, j'adore. Avec son titre Home, on est ensemble jusqu'à 20h. You guide me home. Oh, oh, oh, oh. Henri PFR, c'est notre invité jusqu'à 20h et t'as pas fini avec les questions, Henri, il y en a encore. Et on va commencer par Laurence, la question de Laurence. Ma question c'est en fait, la semaine passée donc, on avait reçu Alex Germis et on va encore recevoir encore d'autres artistes belges. Et c'est quoi votre relation entre artistes belges? Vous êtes amis, ennemis, connaissances? Je vais dire qu'on est vraiment, Alex et moi, on est vraiment super bons potes. C'est, okay. À la base on s'est rencontrés à un festival et on est... Et c'était là, Tabitou, la Hulpe, toi, la Hulpe aussi, j'ai dit maintenant, Tabitou, à la Hulpe, enfin, je vais pas donner mon adresse exacte, mais on habite à 20 mètres l'un de l'autre. Ah ouais, et, sympa, et du coup, ouais, là, enfin, on se voit vraiment souvent, c'est vraiment un super bon pote. Et par exemple, je vais prendre un autre exemple, Lost Frequencies, ouais, qui cartonne aussi pour le moment. Ouais. Ben, lui et moi, on était en cours, il y a encore, il y a 2 ans, on était en classe ensemble. Ah, carrément, c'est marrant, ça. C'est aussi un super bon pote, donc au final, c'est... C'est une bande de potes qui font de la musique et c'est cool quoi. C'est super mieux. Sympa. C'est, ça. Ouais, c'est bon pour la Belgique ça. Hoffman, une question. Bah oui, on sait que t'as 20 ans, donc ouais. Forcément tu voyages à travers le monde. T'es DJ, comme moi auparavant d'ailleurs. Oh, mais au niveau avec les meufs, comment ça se passe? La question qui fâche. Écoute, avec les filles, j'ai une copine. Et non. Et elle écoute. Si, donc et elle écoute. Tu t'es déjà rongé des bagnoles à 20 Sinon, ans. Sinon, envoyez-moi un message en privé. Ouais, non, pour l'instant, j'essaye. En fait, c'est bien parce que ça te fait un peu garder les pieds sur terre, avoir une copine et justement pas avoir le côté DJ qui va faire la bamboula partout. Donc ouais. Ça veut dire que sa copine a 45 ans. C'est quoi tes projets pour la suite alors, Henri? Pour la suite, maintenant, moi, je vais. J'ai une chouette tournée qui s'annonce là tout de suite, maintenant en juillet, avec des chouettes dates, dont justement à Dour ou bien encore au Francofolie. Ok. Et là, maintenant, je me concentre beaucoup en studio aussi. J'ai produit pas mal de tracks et je vais commencer à sortir mes nouveaux morceaux d'ici septembre. Il y aura mon nouveau single qui va sortir. Il est déjà prêt? Il est déjà prêt. Il s'appelle comment? Wherever you are. Ok, c'est sympa. Tu vas nous le mixer ou pas là, dans quelques minutes? Je sais pas. Tu peux nous le mettre ou pas? Non, mais par contre, ce que je peux vous mettre dans quelques minutes, je vais vous mettre le remix. Je suis en train de faire un remix justement de Lost Frequencies, de son nouveau titre Beautiful Life. Et j'ai fait un remix et ce sera la première fois que je le joue en radio. C'est très bien. Ouais. Allez, le mix d'Henri PFR, c'est juste après ça. Gagnez la plus classe des tablettes du marché. Votre tablette Samsung Galaxy View de plus de 18 pouces grâce à Fun Radio. Toute la semaine, écoutez Summer Fun dès 6h et C'est que du fun dès 17h et éclatez-vous avec la plus grande tablette jamais conçue, équipée d'un écran 16/9 Full HD de 18,4 pouces en envoyant Galaxy par SMS au 6322. Un nouveau message. Wow, merci Fun, c'est génial. Les cadeaux les plus high-tech, c'est uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Hello party people, nous c'est Jules et Tom. Ouais, on a toujours pas réussi à avoir de tickets pour Tomorrowland cette année. Du coup, on a construit le nôtre en maquette. Ouais, genre un mini Tomorrowland avec des figurines de tous les pays. Ouais, là, regarde, une Suédoise. David Keita, I love you. Et si on l'appelait genre Adriana? Oh ouais. Oh ouais, attends, soulève lui son t-shirt. Oh. Elles font toutes ça les filles en festival, non? Tu crois? Bah ouais. Oh ouais, ok, ouais. Préfère le vrai? Tente de gagner une expérience Tomorrowland exclusive et le jackpot loto avec l'auto surprise. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance Floor. Next to 17h et 20h. Profitez, c'est que du fun sur Fun Radio. Henri PFR est notre invité jusqu'à 20h. Le mix d'Henri PFR, c'est maintenant. floor. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas, watch me in blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? PFR était notre invité. Merci Henri pour ce mix. Super. Merci à vous pour l'invitation, c'est super cool. Tu reviens quand tu veux, Henri. Nous, on se retrouve demain, 17h, entre 17h et 20h. C'est que du fun. Bonne soirée, Kaufman. Bonne soirée, Laurence. Bonne soirée. À demain, qu'est-ce qu'il y a, Henri? Dis-moi. J'aimerais bien juste dire un petit mot. Pour Vas-y. L'instant, on est en train de préparer un gros truc sur Snapchat. Ouais. Je peux pas en dire plus, mais juste suivez-moi sur Snapchat. Il y a un nouveau projet qu'on est en train de lancer. C'est et sur ça quoi va être cool. Les voyages? Non, c'est sur un clip vidéo, je peux pas en dire plus. C'est un clip spécial. Et nous, mon Snapchat, c'est Henri PFR, donc H-E-N-R-I-P-F-R en un mot. Ok, parfait. Et nous, on a mis des parties de ton mix sur le Snapchat, sur le nôtre, Fun Radio. Voilà. Dans le mix où j'ai joué, le fameux remix de Lost Frequencies, mon morceau Tarida pour finir. Ouais. Et voilà. Parfait, Laurence. Bah, moi, je voulais juste remercier Henri parce que, voilà, une fois de plus, c'est un artiste belge et ils sont tous vraiment hyper sympas, hyper accessibles et hyper humbles. Donc, voilà, ça fallait quand même le souligner. Ça fait super plaisir. Merci à toi, Henri, d'être passé. Je vous laisse avec Party Fun et nous, on se retrouve demain. 17h, ciao ciao ciao, bye ciao, bye. Ciao. Bye. Baby, I got this feeling, this is what you came for, inside my bones, it was a crush, but my head against the wall, all through my city, and everybody's watching her, but she's looking at you.